Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Été Comics. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière mon micro. On est à deux pour interviewer un excellent scénariste, dessinateur, coloriste. Donc bon, je vais laisser la primeur à notre invité. Donc bonjour à toi Philippe Ogaki et merci d'être là avec nous. Ben bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors, tu préfères Philippe Ogaki ou comment tu préfères les choses? Tu peux m'appeler Philippe, ça sera très bien. Allez, bon, ben, très bien. Et pour nous accompagner, j'ai Nico alias Sweep. Salut tout le monde. Bon, alors, merci à toi d'avoir dérangé tes occupations d'été pour être là, Philippe. Et je vais te poser la toute première question qui est la plus simple pour n'importe quelle personne qui fait une interview, c'est est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Ogaki, donc je suis auteur de BD depuis à peu près une vingtaine d'années, principalement chez les éditions Delcourt. J'ai travaillé sur pas mal de séries de BD, plutôt de la science-fiction. J'ai aussi collaboré à la mise en couleur de La Rose Écarlate. Et puis, avant ça, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le dessin animé. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est clair, concis. Alors, comment t'es venu cette passion, enfin, comment t'es venu cette idée de devenir dessinateur de BD? Alors, je pense que, comme tous les enfants, j'ai dessiné depuis longtemps, depuis toujours. La seule différence, peut-être, c'est que j'ai jamais arrêté. Assez tôt, je me suis dit que je voulais vivre du dessin. Déjà au collège, ça, c'était quelque chose qui faisait partie de mes possibilités d'avenir. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai formé avec un petit groupe de copains dessinateurs, on a dessiné ensemble, on s'est perfectionné dans la BD, donc on a ouvert pas mal d'albums, on a essayé de copier des planches, des choses comme ça. Après j'ai fait des études supérieures en architecture, donc ça m'a aussi servi à faire du décor. Et puis bon, bah, quand même, en fait, je me disais que vivre de la BD, ça me semblait difficile financièrement, donc je me suis d'abord tourné vers le dessin animé, d'abord le cinéma et après le dessin animé, dans les premières années après les études, en fait. Et après une dizaine d'années dans ce milieu-là, l'audiovisuel, je me suis quand même dit que je commençais à avancer vers la trentaine et tout, et je me disais, il faut peut-être pas oublier tous mes rêves d'enfance. Hein, et donc, je me suis lancé, j'ai mis de côté le dessin animé pour essayer de la BD, en me disant que si ça marchait pas, bah, tant pis, je reviendrai dans le dessin animé. Mais au final, bah, j'ai réussi à faire ma petite place dans ce milieu-là. Voilà. Alors, par curiosité, je ne savais pas du tout que tu avais fait des dessins animés et de la télé, mais tu as pu travailler sur des choses qu'on connaît peut-être avec. J'ai travaillé sur. Je faisais partie de l'équipe de design, enfin, donc de création sur Arthur et Minimoy. Ah oui. Chez Luc Besson. J'ai travaillé sur plusieurs séries télé en tant que décorateur, enfin d'animation. Du genre Marsupilami, des trucs comme ça, en fait, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles cette série Funky Cops, enfin, bon, les séries comme c'était génial. Voilà, donc le meilleur dessin animé. Oui, il était sympa, en fait. La fois, il était un peu bizarre parce qu'on était un petit peu excentré et que je mettais des plombes à arriver au studio, mais c'était sympa, en fait. j'ai travaillé quelques années dans ce milieu-là et c'était assez sympa, hein, au final. C'était très formateur, en fait, donc je regrette pas du tout d'être passé là. Je pense que c'est une très bonne école et ça m'a permis aussi de, quand je suis passé à la BD, en fait, j'ai gardé la même façon de fonctionner que dans un studio d'anime, donc avec des dates de rendu, une rigueur dans le travail, etc. En fait, des plannings et ça, c'est ça. Je pense que ça m'a vraiment aidé à tenir le rythme, en fait. Et alors, question à la con. Tu nous parlais de tes études, mais quel type d'études tu as pu faire pour devenir dessinateur? Dessinateur, je suppose que tu n'as pas fait un bac pro, quoi. Tu es parti sur un diplôme bien spécifique. Alors, à l'époque, j'ai fait une première au lycée. J'ai commencé par faire une formation de tourneur-fraiseur, tu vois. Donc ça s'appelait F1, je crois, à l'époque, un truc comme ça. Et en fait, en cours d'année, je me suis réorienté, donc j'ai redoublé et je suis passé en... je ne sais plus, c'est une filière technologique. C'était F12, je crois. C'est design industriel, en fait. En gros, ça prépare à ça. Et quand j'ai passé mon bac technologique, après, j'ai fait l'école Boulle à Paris, en architecture, en fait. Voilà. Donc, c'est un diplôme en 3 ans. Et ça aussi, c'était assez formateur. Hein. C'est, on nous a fait travailler dur, mais c'était vraiment hyper formateur. Et du coup, comme j'ai travaillé, comme mon premier emploi en sortant de là, ça a été de faire du décor de cinéma, bah, j'étais un peu rodé à faire des plans, des maquettes, etc. En fait, à concevoir les plans dans l'espace. Donc, ça m'a vraiment aidé. C'est fou quand même de se dire que tu es passé architecte et après tu es devenu décorateur pour le cinéma. C'est pas la trame de base qu'on voit, mais ouais. Non, c'est vrai, mais c'est assez proche en fait hein, comme métier. En gros, on nous fait travailler, quand on fait un diplôme d'architecte, dans les exercices qu'on nous faisait faire en tout cas, on nous faisait travailler pour l'événementiel, donc c'est des stands pour le salon de l'automobile, quoi, grosso modo. Et ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on bosse pour le cinéma. Hein, on fait du faux, on fait du toc, et tu fabriques des plans pour faire du décor en fait. Donc c'était pas très loin en fait, c'était pas très très loin. Et alors, comment tu as pu décrocher ton premier contrat dans la BD? T'as quelqu'un qui t'a orienté ou tu y allais un peu au culot comme ça en te disant « Allez, je tente pour le fun ». Alors non, en fait, tout le temps où je faisais mes études d'architecture et même le moment où j'ai commencé à bosser dans le cinéma, j'ai quand même tenté à plusieurs fois de contacter des auteurs de BD ou des maisons d'édition, et bon, je me suis quand même pris des portes fermées assez souvent, hein, où on m'a dit que je ferais mieux de continuer à faire du décor et pas d'essayer de rentrer dans le milieu. Donc en fait, après avoir fait du dessin animé pendant plusieurs années, j'avais mon book d'anime en fait, que j'utilisais pour démarcher les boîtes de dessin animé. Et par contre, j'allais tous les ans depuis mes 13 ans, je vais tous les ans à Angoulême, en fait. C'est un peu mon pèlerinage. Et donc, j'y suis allé cette année-là avec mon book de dessin animé sous le bras. Et j'ai fait un peu la tournée des différentes maisons d'édition. Donc, j'ai fait les queues. Mon festival cette année-là, ça a été faire les queues pour montrer mon book. Donc, voilà. Et j'ai dû attendre 5 heures pour rencontrer le gars de chez Delcourt, tu vois. J'ai fait les humains ou des trucs comme ça et j'ai attendu vraiment très très longtemps. Mais au final, le son de cloche que j'ai eu à ce moment-là était vraiment très différent de celui que j'avais eu quand j'étais encore étudiant. Donc ils m'ont tout de suite proposé de travailler sur des projets. Donc c'était vraiment très encourageant en fait à ce moment-là. Et donc ton premier travail chez Delcourt, que je dis pas de bêtises, c'était Azure. Non, pardon, c'était les guerriers du silence. Tout à fait, c'était les guerriers du silence. C'était une adaptation d'un roman de Pierre Bordage, de la science-fiction, du space opéra français en fait. Même si j'étais un grand lecteur de space opéra, de science-fiction en général, je n'avais pas lu ce roman-là en fait, quand ils me l'ont proposé. Et donc je l'ai découvert, enfin ils m'ont proposé de faire de travailler dessus, il n'y avait pas encore d'adaptation qui avait été faite, pas de scénario, tout ça, donc on m'a envoyé les livres, et je les ai découverts, ça m'a plutôt botté, j'ai fait des crayonnés tout de suite en fait, et c'est Algeciras qui avait été recruté pour faire l'adaptation scénaristique, et on a tout de suite bien travaillé ensemble, on s'est compris assez rapidement. Bien que moi j'ai quand même, enfin, je travaillais encore dans le dessin animé à ce moment-là, donc j'ai quand même mis un an à aboutir les premières pages du projet. Ça a été un peu compliqué le passage de l'un à l'autre, mais dès qu'après je me suis libéré de mes obligations dans le dessin animé, bah, j'ai pu travailler assez rapidement dessus en fait. Voilà. Et alors, quand tu adaptes un roman comme ça, est-ce que tu es en contact avec l'écrivain? Est-ce que l'écrivain passe derrière pour jeter un coup d'œil sur votre travail ou est-ce que c'est assez libre? Ah ben justement, sur Les Guerriers du silence, on a rencontré au tout début Pierre Bordage, qui, au moment où on avait écrit la première version du script, et puis où moi j'avais fait grosso modo les recherches de personnages, et de décor. Et il nous a dit, ah, bah, de toute façon, moi, je considère que toute adaptation est une trahison. Et une trahison, c'est bien parce que ça fait, ça donne un nouveau regard sur l'œuvre que moi, je n'avais pas. Et donc, je vous laisse totalement libre de faire ce que vous voulez, de l'adapter de la façon dont vous voulez. Ça fera une œuvre différente de celle que j'ai fait, en fait. Donc, on a été assez libre d'adapter vraiment comme on voulait. Je crois qu'il avait de souvenirs, hein, ça fait un moment, mais il avait fait 2-3 remarques que j'ai intégrées aux recherches personnages. Mais sinon, c'est dans l'ensemble, c'était vraiment, on a eu vraiment les mains libres, en fait. Ouais, c'est pas lui, oui, même pour les personnages ou autres, qui vous a donné des indications de comment il les voyait. C'est vraiment, il vous a dit, vous avez le support, comment vous le sentez, puis voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, d'autant plus qu'on a, au cours de on s'est revu plusieurs fois, au cours des discussions qu'on a eues, on a appris qu'il avait donc, lui, à l'écriture du roman, il avait dessiné tous ses personnages, hein, parce qu'il dessine aussi en tant qu'amateur. Donc, il avait dessiné tous ses personnages dans un calepin, mais qu'il ne nous a jamais montré, en fait. Donc, même les tenues, et tout, etc. Il s'était fait une idée précise de ce que c'était pour les décrire dans le roman. Et au final, ce que moi j'ai dessiné est sûrement très très éloigné de ce que lui il a dessiné, mais c'est le passage du mot de l'image au mot et du mot à l'image. Oui, en fait. Oui. Il y a une sorte de déformation, mais de toute façon, il avait l'air assez content de ce qu'on avait pu faire en adaptation. Hein. Et alors, t'as jamais pu voir les dessins, même après que t'es sorti, que la BD est sortie, t'as jamais pu voir vraiment les concepts de l'auteur de roman. Je pense que ça fait partie de ses carnets secrets, en fait. Hein. C'est un peu le Cimarion de Tolkien. Hein. C'est un truc qu'on le verra peut-être à sortir quand les petits enfants y ressortiront les archives, en fait. C'est ça. Alors, tu étais dessinateur, mais pas coloriste les guerriers du silence, voilà. Et après, tu as eu un autre projet. Alors, je ne sais pas si tu as eu la Rose Écarlate juste après ou si tu es passé directement sur une BD sur Yannick Noah. Parce qu'il me semble que tu avais fait ça. Alors, en fait, Patrice Alifoum, c'est mon épouse, donc qui fait la Rose Écarlate. Donc, elle a commencé La Rose Écarlate un an après et on a beaucoup collaboré ensemble sur le projet, en fait, le temps où elle travaillait. Et Yannick Noah, c'était une proposition qu'on m'a faite. Alors, vraiment, je ne sais plus trop si c'était avant Météor ou après. Enfin, c'est dans ces zones-là. Mais je vais pas te mentir, je suis allé sur bdtech.com, j'ai vu que Yannick Noah c'était 2007, Météor c'est de 2008 à 2010. Ah bah voilà, donc c'était juste avant Météor, écoute. Donc ça devait être juste après la fin des Guerriers du Silence, en fait, entre les deux. Oui, c'était une expérience, en fait, on me l'a proposé, j'avais assez peu de temps pour le réaliser, parce que l'album devait sortir assez vite. Il a fallu choisir un des titres et puis trouver une idée dessus. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur le titre de Métis parce que je suis Métis, en fait, voilà. Donc c'est un truc qui me correspondait. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Après, je l'ai adapté dans un univers qui me plaisait, donc de la science-fiction, etc. Mais voilà, je peux pas dire grand-chose de plus que là-dessus, en fait. Donc ouais, et après donc t'as attaqué Météor où là on va dire alors moi quand au début je cherchais un peu des infos sur toi quand même un peu pour l'interview, c'est vrai que Météor m'est ressorti tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que Météor est ton premier gros très gros succès, on va dire? Je ne sais pas si c'est un très gros succès. C'est, disons, comparé au Guerriers du Silence, c'est vrai que ça a eu un plus grand impact commercial, en fait. Fred Duval est déjà un auteur très établi, qui a déjà son public qui le suit, qui est habitué à son travail, etc. Donc, il travaillait aussi dans la collection Série B avec Fred Blanchard, c'est aussi un gage de qualité quelque part pour les auteurs, mais aussi pour le lecteur, en fait. Donc il sait ce qu'il va prendre en gros en prenant un livre. C'était étonnant parce qu'en fait à ce moment-là j'avais pas de projet et c'était Olivier Vatine qui a pensé à moi. et qui m'a proposé de travailler sur ce projet-là, sur Meteor, qu'ils avaient dans les cartons depuis déjà plusieurs années, en fait. Et ils avaient fait des essais avec d'autres dessinateurs que je n'ai jamais vus, en fait. Et en fait, donc, ils m'ont envoyé le scénario. Moi, j'y m'y suis tout de suite retrouvé parce que ça me faisait vraiment penser au roman de science-fiction anglo-saxon du type Hyperion que j'adore, en fait. Et du coup, j'ai tout de suite eu envie de m'investir dedans. J'ai assez rapidement fait des croquis, commencé à travailler les designs de personnages, des robots, des IA, etc. Donc, c'était vraiment... c'est la première fois où en fait j'ai demandé à faire la couleur dessus parce que c'était un des domaines que j'avais pas pu faire sur les gars du silence et donc je voulais tester ça en fait sur cette BD là. Alors, c'est très intéressant que tu me dises parce que je suis curieux de savoir comment tu peux arriver à dessiner et puis en même temps faire les couleurs. Parce que bon, c'est vrai que dans le monde des comics, parce que nous à la base on est vraiment des gros lecteurs de comics avec Nico, mm-hmm. Et à chaque fois tu prends un comics américain, tu vois le scénariste, tu vois le dessinateur et l'encreur, et aux États-Unis on nous explique que c'est quand même trois métiers bien différents et que ça s'évite de se chevaucher parce que le coloriste est surtout là pour affiner ce que le dessinateur fait du personnage. Et je me demandais comment on peut passer du dessinateur à coloriste et compagnie. C'est juste une question comme ça par curiosité. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Moi, tu sais, moi, je lis encore, mais je lis beaucoup de comics. Et c'est vrai que le travail aux États-Unis, il travaille vraiment en studio. Et donc, ça ressemble vraiment à ce que j'ai connu moi quand je travaillais dans l'animation, c'est-à-dire qu'on a un travail très segmenté avec chacun son poste et personne ne déborde de son poste en fait. C'est vrai que quelque part, ce qui m'a plu moi dans la BD, c'était de pouvoir m'exprimer pleinement artistiquement en fait. Donc plus je touchais de choses, plus ça me plaisait en fait. Après, j'ai pris le temps, par exemple, avec le gars du silence, tu vois, le travail que j'ai eu avec Alger Siras m'a vraiment aidé à comprendre comment on découpait une BD, comment on faisait la narration, parce que c'était la première fois que j'en faisais vraiment sur beaucoup de cases, hein, parce que franchement, c'était que de la BD amateur. Hein. Et donc, non, c'était vraiment très formateur, ça. Et de la même façon, là, quand j'ai fait tous mes albums, mes trois albums de Meteor, ça a aussi été très formateur, autant pour l'écriture du scénario, parce que je travaillais avec Fred Duval, mais aussi pour la maîtrise de la couleur, comment je gérais la lumière, et puis également la gestion du temps, hein, parce que la couleur, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage dans son application. Et du coup, il était compliqué de faire rentrer tout ça dans un planning de parution, en fait. Donc, ça a mis plein de paramètres différents que j'ai découvert à ce moment-là, mais que j'ai dû apprendre à maîtriser, en fait. Donc, c'était toujours très, très intéressant de travailler sur ce genre de projet, en fait. Et donc, tu nous disais que tu avais un peu participé au scénario. Quand tu as travaillé avec des auteurs français, à chaque fois... Merde, t'as que travaillé avec des auteurs français, mais à chaque fois, t'as pu discuter un peu du scénario ou certains étaient ouverts, d'autres fermés. Comment ça se passait? Ça dépendait en fait. C'est-à-dire qu'avec Alger Siras, donc sur les gars du silence, c'était très. Donc la base était très forte. Hein, c'était une adaptation de roman. Un roman, c'est un roman assez dense. Hein, c'est un gros pavé. Donc du coup le travail d'adaptation c'est vraiment quelque chose auquel moi j'ai pas du tout touché, hein. Donc je lui ai fait entièrement confiance et donc je suis pas du tout intervenu sur le scénario parce que il faut respecter l'œuvre tout en la dénaturant parce qu'on peut pas mettre tout ce qu'il y a dans le roman en fait. Donc là je lui ai fait entièrement confiance, je suis pas intervenu du tout. Avec Fred Duval sur Meteor je suis intervenu un petit peu au niveau des idées parce que quand je gribouillais des trucs je dis les robots je les voyais comme ça, du coup on peut mettre des vaisseaux dans ce style là qui arrive, donc je lui ai amené des éléments visuels que lui après il utilisait dans son scénario, donc c'était un échange plutôt à ce niveau là en fait qui s'est fait hein. Après voilà, on apprend à collaborer. Je pense que chaque collaboration se fait de façon différente avec les différents c'est vraiment la rencontre un scénariste et un dessinateur, c'est vraiment d'abord une relation humaine, hein, donc il faut que chacun trouve sa place. J'ai des amis auteurs qui écrivent quasiment le scénario à deux, et même s'il y a un seul dessinateur derrière, en fait. Donc ça change vraiment. ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre, en fait. Donc, Météor, il y a eu quelques numéros. Je crois qu'il est ressorti en intégrale dernièrement. Oui, il y a eu 3 tomes, en fait. Il y a eu 3 tomes et je crois que je l'ai vu dernièrement en intégrale. Et une fois Météor terminé, tu es passé directement sur autre chose, quelque chose qui t'a peut-être rien à voir. C'était Azur, où au début, tu faisais beaucoup de science-fiction. Et puis là, tu es arrivé sur un monde un peu médiéval fantastique. Tout à fait. Bah oui, hein, c'est les deux univers qui me branchent à mort. Hein. C'est la fantasy et la SF. C'est mes principales lectures. En tout cas, quand j'étais jeune, hein, maintenant j'ai un peu changé, mais quand j'étais jeune, c'est mes romans. Les romans que je lisais, c'était vraiment ça. Hein, c'était entre Tolkien et Star Wars, hein, pour simplifier. Voilà. Donc, grosso modo, je suis. Quand j'ai attaqué Azur, en fait, c'était un projet. Là, c'est le premier projet que j'ai scénarisé. C'est un projet que j'avais, enfin, les premières bribes, je les avais vraiment quasiment une dizaine d'années avant. Ça a pris du temps à mûrir. Quand je l'ai présenté, je voulais vraiment faire un projet jeunesse, d'aventure, un peu qui rappelait les Final Fantasy auxquels j'avais joué quand j'étais jeune, en fait. Voilà. Et c'est vrai. Alors moi, j'ai lu le synopsis, hein, donc bon, je me permets de lire ce que je vois marqué. Donc, sitôt débarqué à Providence, Nikki s'attire des ennuis, mais que peut bien faire une jeune fille dans ce repère d'ivrognes et d'escrocs en tout genre? Sam Contrebandier, bien connu du coin, accompagné de son fidèle Isuzu, compte bien en savoir un peu plus, et voilà un bon moyen de récupérer quelques sacs d'or, mais il n'est pas le seul à s'intéresser de près à la nouvelle venue. C'est typiquement, j'ai l'impression de me retrouver dans un bon scénario D&D également. Ah oui, mais tout à fait. Bah, j'ai des. Alors là, je regrette maintenant de plus avoir le temps de faire du jeu de rôle, hein, mais vraiment jusqu'à avant un peu mes 30 ans, j'ai quand même fait pas mal de jeux de rôle. Hein, et j'ai masterisé sur pas mal de parties. Et donc voilà, il y a des restes, hein, forcément. Hein, quand on écrit ses propres scénarios, il y a des restes. Ah ouais, non, là franchement, j'ai vu ça, j'ai dit putain, je peux faire une campagne D&D avec ça. C'est sûr. C'est ça. Donc voilà. Et donc, tu t'aimais beaucoup et tu t'es dit, bon, allez, on va changer un peu de style. Et sur ta première BD que tu scénarises, tu décides de faire du Medfan. Et là, Delcourt, il te laisse plein pouvoir, il te surveille. Comment ça se passe? Parce qu'au début, tu étais dessinateur, puis après, tu as dessiné et colorisé. Et là, ils t'ont fait à 100% confiance. Ils t'ont dit, tiens, banco, t'as les oui, sons, alors, tu peux après, te faire plaisir. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, mon ressenti à moi, c'est que l'éditeur, hein, en général, soit il aime, soit il n'aime pas. De toute façon, après, il intervient toujours pour... donner son sentiment s'il y a des choses qui lui semblent un peu justes ou pas assez recherchées, etc. Mais quand on approuve, enfin quand un éditeur prend un projet, c'est vraiment qu'il considère que l'auteur fait un travail qu'il apprécie et qu'il a envie de soutenir, en fait. Il y a vraiment donc il va pas dénaturer le travail de la personne qui l'embauche, en fait, en gros. Ça sert à rien de demander à un auteur, de prendre un auteur sur un projet pour lui demander de faire un projet finalement totalement autre. Donc, au final, quand j'étais sur le projet, j'ai été accompagné, donc j'ai eu un suivi éditorial dessus, sur la relecture, sur les actions, etc. Mais ça a toujours été un dialogue qui s'est créé avec mon éditeur pour accompagner le projet et en tirer le meilleur, en fait. Ça n'a jamais été. Donc, j'étais quand même très très libre de faire ce que j'avais envie, en fait. Voilà. Donc je me suis jamais senti contraint par rapport à mon éditeur, en fait. D'accord. Donc Azur se termine, le spin-off de La Rose Écarlate arrive, où tu continues à faire des couleurs du coup dessus, à être coloriste. Et comment ça se passe? Parce que bon, je sais que sur La Rose Écarlate, tu as plusieurs coloristes, tu n'as pas forcément qu'un seul. Alors que je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un grand fan, mais femme est une grande fan. Donc si je dis de la merde, elle va me taper. Il y avait plusieurs coloristes donc dans le spin-off La Rose Écarlate. Tout à, bah non, mais sur les deux séries, en fait, il y a eu beaucoup de coloristes. C'est, en gros, on a, pour la peine, là, on est devenu vraiment, on a travaillé comme un studio pour segmenter la fabrication. C'est arrivé au moment où Patricia, mon épouse, donc, elle a commencé sa deuxième série qui était Le Prince à croquer. Et donc, il a fallu qu'elle fasse deux albums par an à ce moment-là. Et du coup, pour qu'elle puisse faire ses deux albums par an, et en ce moment-là, moi, j'étais sur Azure et je faisais aussi deux albums par an, on a dû déléguer une partie de la couleur qu'on gérait avant ensemble tous les deux. Et donc, on a cherché diverses personnes pour nous épauler. Donc, en fait, maintenant, en gros, le schéma qu'on a, c'est qu'on a une personne qui s'occupe de mettre tous les aplats sur chaque plage. On a une deuxième personne qui s'occupe de mettre les premières ombres, en fait, sur chaque page. Moi, je récupère le tout et je fais le mix final avec tous les FX, les textures de bois, de feuillage, de pierre, les lumières, les reflets, etc. Donc, on a organisé le travail comme ça, donc vraiment comme un studio de dessin animé pour vraiment optimiser le temps et arriver à garder le rythme de parution, en fait. Et alors, il faut que tu aies quand même une certaine confiance donc au niveau des coloristes ou c'est ouais. assez libre de choix vu qu'à un moment ou à un autre il y a toujours quelqu'un d'autre qui va repasser derrière. Non, en fait là on a quand même fait passer de nombreux tests, on a changé plusieurs fois de coloriste parce que forcément c'est pas un boulot hyper palpitant, donc on fait ça un temps pour démarrer la carrière, puis après on s'oriente sur autre chose, hein. Donc c'est tout naturel. Donc voilà, on fait passer régulièrement des tests pour avoir de nouveaux coloristes quand on a besoin. Et on cherche la personne qui s'adapte le mieux quand même à la façon de travailler. C'est surtout la méthode qui est importante. Et sur les gammes colorées qui sont à réutiliser, en fait. Voilà. Donc, on va reprendre ta petite bibliographie. On en était à La Rose Écarlate où tu as travaillé un peu. Et puis après, en 2015, on arrive sur Terra Prime, où tu retrouves la science-fiction. Ah ouais, tout à fait. Ça, c'est... Alors... Ouais, vas-y, fini. Non, mais non, vas-y, fini. Mais non, mais Terra Prime, c'est vraiment c'est un projet, pour le dire, j'ai commencé à gribouiller mes premières idées, mes premières recherches à l'époque où je travaillais sur Arthur et les Minimoys chez Besson, en fait. Donc, pendant mes pauses, je travaillais là-dessus, je faisais des petites recherches dessus. Et à l'époque, j'étais jeune et insouciant et je rêvais d'en faire un manga, donc, pour te dire. Et donc, les années passant, je me suis dit, un manga, c'est des bouquins de 180 pages, il y a plein de pages, hein, ça fait plein de dessins et je ne suis pas sûr de pouvoir assumer ça. Et donc, je l'ai transformé en un projet avec 4 tomes de 120 pages à peu près, hein. Et c'était un peu le... Quand je suis allé voir les éditeurs avec ce projet-là, mon but, c'était d'avoir une grosse pagination et pas faire une BD franco-belge classique parce que je voulais avoir de la place pour étaler mes idées, en gros. Et à ce moment-là, Delcourt était en train de développer une collection manga... une collection comics dessinée par des Français, en fait. Et donc, je me suis venu m'installer là-dedans... Alors c'était un peu bizarre parce que je suis dans la collection Neopolis, donc la collection de science-fiction de Delcourt, mais je suis au format comics, donc je me retrouvais dans le rayon comics de BD. Donc c'était un sorte de truc un peu mixte. Au final, rétrospectivement, on se pose la question avec mon éditeur des fois, à savoir si on a fait le bon choix de travailler à ce format-là, en fait. Si ça faisait pas un truc un peu trop bizarre pour le public, en fait. Mais bon. Moi, en tout cas, j'ai trouvé le nombre de pages pour pouvoir exprimer l'album tel que je le voulais, en fait. Voilà. Oui, et puis après, moi, enfin, j'ai lu quand j'étais gamin de la BD, du manga, des comics, je pense, en soi, le découpage des planches même ou autre, au bout d'un moment, peu importe ce qu'on lit, je pense que ce soit pas super gênant en soi. Non, c'est pas la lecture, en fait. Là, vraiment, la lecture, je pense qu'on peut lire n'importe quoi. On le comprend, en fait. C'est vraiment plus à l'achat, en fait. C'est par rapport à ça, j'en parle. C'est-à-dire que les fans de science-fiction, ils vont plutôt aller dans le rayon franco-belge, en fait, où il y a plus de science-fiction. Et voilà. Et du coup, je me retrouvais sur le rayon d'en face, et ils n'allaient pas forcément fouiller jusque là-bas. Et donc après, j'avais un peu le public comics qui en lisait un petit peu, mais le public comics, il aime bien rester sur les valeurs sûres aussi, en fait. Voilà, donc comme c'était pas un Batman que je faisais, n'est-ce pas? Mais non, non, mais par contre, j'ai aucun regret par rapport à l'album tel qu'il est. Hein. Je suis hyper satisfait. Le travail dessus a été assez intense et assez dur, hein, parce que j'ai pas bien évalué la masse de travail que j'aurais à accomplir, à faire pour faire 4 bouquins de 120 pages en couleur, voilà, sur de science-fiction avec plein de personnages et de décors et tout ça. Donc c'est vrai que c'est, j'ai un peu sous-évalué ma charge de travail, et la première année a été très très dure là-dessus, sur ce livre-là, en fait. J'ai vraiment j'ai un peu morflé, et puis bon, après j'ai trouvé des méthodes pour optimiser un petit peu, en fait. Alors, il y a un problème, je l'ai relu parce que je l'avais lu quelque part, je sais pas si c'était mon oncle qui l'avait ou pas, parce que mon oncle était un grand fan de science-fiction, mais non, je pense pas que ce soit mon oncle, parce que il me l'a piqué alors que j'étais en train de relire. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré l'histoire. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont comparé à du Avatar un peu soft sur le principe que les humains veulent coloniser une planète, qui tombe sur une nouvelle race et qui veulent assouvir cette nouvelle race pour pouvoir posséder la planète. Enfin bref, il y en a beaucoup qui sont partis dans ce genre de remarques. En même temps, Avatar était sorti à peu près à cette époque-là, je crois. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était, je crois, 2-3 ans avant. Mon éditeur m'a fait la même remarque, en fait, au moment où j'ai présenté le projet. Il m'a dit, mais je ne vais pas changer mon projet parce qu'un film est sorti 2 ans avant que je fasse mon truc, en fait. Voilà. C'est ça. Et puis finalement, moi, j'ai pas aimé Avatar pour plusieurs raisons. Après, mais par Avatar, contre, si je peux juste me permettre, Avatar, quand je l'ai vu, en fait, moi, je suis un fan absolu de Aqua Blue, en fait, qui est un peu l'album qui m'a que j'ai, c'est un des albums, tu sais, je te racontais quand j'étais jeune que je copiais des bouquins ce livre là enfin cette série là de Olivier Vatin et de Kaito, en fait, je l'ai tellement copié que c'est devenu une sorte de bible religieuse pour moi, que j'ai et donc c'est vrai que quand j'ai vu Avatar, j'ai retrouvé tellement tous les thèmes et toute la façon de raconter qu'il y avait dans Aqua Blue, que ça m'avait un peu gêné, en fait, voilà. C'est une aparté. Parce qu'il était pas si dédié au générique, hein, voilà. C'est vrai que moi, Aqua Blue, je l'ai pas lu, mais ça m'a fait penser un peu à Pocahontas. Je me dis, bon, pourquoi pas, mais bon, ça, c'est autre chose, tu vas me dire. Mais c'est vrai que moi, je l'ai lu, et pour être un habitué de science-fiction, pour avoir lu quelques romans il y a quelques années de ça, je me suis totalement retrouvé dans un pur roman SF, sauf que c'était de la BD, et j'ai complètement adoré. Donc, je te remercie pour cet excellent moment de lecture que j'ai pu avoir. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir apprécié, hein. ça me touche. Hein. Et j'en ai discuté avec Nico avant que tu nous rejoignes, en disant que c'est vrai que le format était complètement particulier, parce que c'est vraiment entre la franco-belge et le comics, parce que, comme tu disais, c'est le format est un peu plus long que la franco-belge, et en même temps, t'as le format, la hauteur qui est légèrement au-dessous de la franco-belge, mais un peu plus au-dessus du comics, donc je comprends pourquoi les libraires ont galéré un peu à te ranger quelque part. Ah bah voilà, oui, ça c'est sûr. Et alors, 4 tomes, ça s'est passé comment? T'as vu une idée de la fin ou pas? Comment s'est passé ton imagination, en fait, comment s'est passé ton écriture, ton schéma? Alors, en fait, pour la peine, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais par rapport à Azure, comment ça s'était passé avec mon éditeur, et je te disais vraiment que j'étais accompagné dessus, mais que mon projet est tel qu'il était à l'origine. Sur celui-là, ça s'est passé un peu différemment, c'est-à-dire que j'avais un premier projet, et comme je te disais, au tout début, je voulais en faire un manga. Donc, même quand je n'ai fait la première version du projet que j'ai présenté à mon éditeur, il avait vraiment accroché au scénario, mais le parti pris graphique que j'avais pris, je sortais juste d'Azur, et donc il était encore emprunt un peu de ce côté jeunesse d'Azur, en fait. Et il m'a dit qu'il trouvait qu'il y avait un décalage entre le propos qui était hyper sérieux et le graphisme qui était un peu trop jeunesse. Et donc j'ai passé un mois à peu près à vraiment travailler, à faire plusieurs essais de planches, en fait, avec différents styles, pour essayer de trouver le style qui corresponde à... Parce que j'ai, au final, quand il me l'a dit, je me suis dit, bah oui, c'est, il a tout à fait raison. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais il avait raison. Et au cours de cette phase-là, où j'ai retravaillé le dessin, il ne m'avait pas demandé de retravailler l'écriture, hein, vraiment. Bah, j'ai aussi réécrit mon scénario, en fait, du coup. Parce qu'en en refaisant de nouvelles planches avec un autre style, je me suis dit, ah, que mon scénario non plus ne fonctionnait plus avec les nouvelles planches. Et donc, j'ai réécrit mon scénario, enfin, ma trame générale. Donc, le final que j'ai sur la série telle qu'elle existe, c'est pas celle que j'avais prévue sur mon tout premier projet, en fait, que j'ai présenté à mon éditeur, en fait. Il y a une différence dessus, enfin, c'est une grosse différence dessus. Mais le projet est, quelque part, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'un projet, quand il commence à prendre forme, il s'impose de lui-même, en fait. Il y a des solutions, en fait, dans le scénario, dans l'histoire, qui s'imposent toutes seules, en fait. Ça peut pas être, les personnages peuvent pas réagir autrement que comme ça. La fin ne peut pas être autrement que comme ça. Alors, sûrement que quelqu'un d'autre le ferait différemment, mais avec mon petit cerveau, ça fonctionne que de cette façon-là, en fait. En gros, c'est un peu ce que... Donc, l'écriture a été quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai vraiment changé beaucoup de choses entre ma première version et la version finale. Mais une fois que j'ai attaqué mon premier tome, donc après avoir signé le contrat et que j'ai attaqué et écrit le premier scénario, j'avais la trame générale de l'ensemble de la série, en fait. Donc je savais à peu près où j'allais, même si chaque tome n'était pas décrit en détail, je savais ce qui allait se produire dans chaque tome. Le seul élément que j'ai rajouté en cours de route, ça a été la mort du compagnon, en fait, d'Aetios, de l'héroïne, en fait. Parce que en dessinant le tome précédent, je me suis rendu compte qu'elle était assez mauvaise réalisatrice et tout le monde avait connu la mort, le deuil, etc. Et elle n'avait jamais été confrontée à ça. Et je me suis dit que c'était important qu'elle soit confrontée au deuil pour pouvoir l'assumer aussi et le surpasser, en fait, le passé. Tu vois. Alors là, attends, là quand même, je ne suis pas à 100% d'accord avec toi. Si, tu es le créateur, tu vas me dire. Donc à un moment, je dois être d'accord avec toi. Mais quand elle enterre ses élèves, oui, c'est vrai. C'est quand même assez dur pour elle. Ça se voit, ça se sent. Oui, après, c'est vrai qu'on passe très vite du moment où elle enterre ses élèves au moment où elle doit trouver un mari et enfanter parce que c'est une femme dans un monde d'hommes et qu'on a besoin de repeupler et qu'elle décide finalement de se casser. Mais c'est vrai qu'il y avait ce moment assez intense quand même. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était... alors, c'est un deuil, mais c'est pas un deuil familial, en fait. Elle n'était pas partie de la structure familiale. J'imagine peut-être que vous avez été confronté à ça, mais la mort d'un ami, même si c'est tragique, on ne le ressent pas de la même façon que la mort d'un membre de sa famille, en fait. C'est une douleur plus intense. Et j'avais besoin de la faire passer par cette épreuve-là, en fait. D'accord. Pour qu'elle surpasse sa propre entité de d'héroïne femme, en fait, tu vois, de ce qu'elle était, de mère, en fait. En fait, son rôle, c'est ça, c'est une héroïne mère, en fait. Et il fallait qu'elle passe au-dessus de ça, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément que j'ai rajouté par rapport à l'histoire. Mais sinon, ma trame générale, les différentes factions, je les avais dès le début. L'importance cachée du robot, je l'avais dès le début. Tu vois, le fils qui allait être la pièce de rencontre entre les deux, entre les différentes races, c'était aussi là qui était dès le début, en fait. Des choses comme ça, en fait, c'était assez présent. Tout ça, c'était présent dès le début, en fait. C'était des pièces que j'avais, en fait. Et donc, après Terra Prime, tu as attaqué les Mythics, qui est une série qui s'est terminée, il me semble, dernièrement. Alors non, pas du tout, en fait, je suis encore plein dedans. En fait, ouais, c'est ça. Non, là, le tome 10 doit paraître. Mythics, c'est une série en cours pour encore plusieurs, de nombreux tomes, en fait. Le tome 10 qui conclut le deuxième arc, enfin le deuxième cycle, doit sortir de mémoire en septembre, ou enfin en septembre-octobre, on arrête le Covid, je ne sais plus trop, mais dans ces eaux-là. Et le tome 11, il devrait paraître qui démarre le nouveau cycle, devrait paraître avant Noël, je pense, hein, quelque chose comme ça. Et après, on continuera à peu près sur le même rythme. Vraiment, les mythiques, comment expliquer ? Parce que notre éditeur, enfin, on est avec mon épouse, donc Patricia, on est assez super copain avec Patrick Sobral qui fait les légendaires. On se retrouve régulièrement et notre éditeur nous a un jour dit: mais vous entendez tellement bien, vous n'avez pas envie de faire un projet ensemble ? Donc on s'est retrouvé un jour sur un canapé. D'ailleurs, on a été invité à une fête chez Guy Delcourt, notre éditeur. Donc on s'est retrouvé sur le canapé à papoter ensemble. Et puis le projet Mythique s'est né comme ça, en fait. À ce moment-là, on s'est dit: ah, ça pourrait être marrant. On trouve nos six héros. On va mélanger les cultures. On va les faire avoir des caractères très différents. On va leur trouver des amis charismatiques, etc. Et l'idée qui s'est assez vite imposée au moment où on a proposé le projet à notre éditeur, ça a été d'avoir un rythme de parution soutenu. Et pour ça, en fait, on s'est dit qu'on allait embaucher tous nos potes dessinateurs. Hein. Comme ça, chacun fait un tome. Et nous, on s'occupait des scénarios avec donc Patrick et Patricia. Et après, on avait recruté vraiment tous les copains dessinateurs avec qui on a fait connaissance depuis ces 20 ans dans le milieu. Et puis, on les a tous fait travailler sur cette série-là. Non, c'était vraiment... c'est vraiment une expérience hyper sympa. Après, c'est vraiment intense parce que les rythmes de parution sont très soutenus, en fait. Donc, ça fait beaucoup de travail de supervision, parce que tous les albums se font en même temps, et donc il ne faut pas qu'il y ait faute de raccord entre un album qui est en train de se fabriquer et un autre album qui est en train de se fabriquer. Quand il y a des moments, des histoires qui se croisent, des événements qui sont passés dans un tome et qui doivent, donc on fait référence à un tome suivant, donc ça fait beaucoup de gestion pour ne pas faire de faux raccords, en fait. Voilà. Donc c'est un travail qui n'existait pas dans une série plus classique, hein, on va dire. Mais sinon, c'est vraiment aussi très intéressant de travailler avec plein de collaborateurs comme ça. Et c'est assez grisant de voir tomber des nouvelles pages tous les jours par mail. Tu vois, on a l'impression que les BD, elles dansent toutes seules. C'est un peu magique. Mais c'est vrai que très soutenu, parce que je regardais, ça a commencé en 2018 et t'as 4 tomes par an quasiment. C'est à peu près ça. 4 en 2018, 4 en 2019, et là, on est moitié 2020. Mais c'est vrai que c'est énorme pour une BD, quoi. Oui, c'est pour ça que chaque BD est dessinée par un dessinateur différent, en fait. C'est pour tenir le rythme, on n'a pas trop le choix. Mais je sais que les quelques séances de dédicaces que j'ai fait pendant ces dernières années, là, et où j'ai dédicacé les Mythics, les enfants s'y retrouvent vraiment là-dedans, parce que du coup, ils vivent l'aventure des héros plus intensément que s'ils avaient un an à attendre, en fait. Voilà. Oui. Parce que c'est vraiment une histoire qui se suit, c'est pas des one-shot à chaque fois, en fait, c'est vraiment des histoires qui se suivent, même si on boucle à peu près un bout d'histoire à chaque tome, c'est une histoire qui évolue, avec les personnages qui évoluent, et donc ils sont vraiment accros à ça, en fait. Donc c'est vraiment, je pense qu'on retrouve un peu l'engouement qu'il peut avoir quand les mangas sortaient, enfin ils sortent toujours d'ailleurs, mais avec un rythme de parution très, très soutenu, et qui fait que bon, on a envie de savoir la suite, et on sait que la suite elle sort dans pas longtemps, en fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, quand on a travaillé ensemble avec Patricia et Patrick sur l'écriture du scénario et sur l'univers, on a vraiment été les créateurs. Donc on a aussi dessiné les personnages, on a designé les personnages, les gentils, les méchants, déterminé le code graphique pour les décors. On s'est aussi basé sur un univers réaliste, hein, donc ça se passe dans le monde présent, de nos jours. Donc il fallait que Paris ressemble à Paris, New York ressemble à New York. Donc on a travaillé là-dessus. Puis on a eu la chance d'avoir une super coloriste qui elle a fait un boulot de ouf, parce qu'elle elle a fait les couleurs de tous les albums quasiment. sauf deux ou trois de mémoire, et elle unifie en fait l'ensemble du style. En fait, l'unification de la par la couleur fait que même si les dessinateurs ont tous un peu leur style graphique, et ben par la couleur, ça homogénise l'ensemble en fait. Donc, elle a vraiment fait un super boulot dessus. Hein. Je suis mort, Jeff. Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Non. Moi, j'étais en train de regarder la coloriste qui a fait, donc, qui était Magali Paya. Tout à fait. Et comment ça se passe au niveau du scénario? Vous discutez tous sur qu'est-ce qui va se passer sur un album, et puis après, il y en a un qui s'en occupe plus qu'un autre, et puis l'autre attaque le tome suivant, ou vous discutez tout ça autour d'une bière et vous déterminez ça quand vous avez un peu plus bu, on va dire? On n'est pas des grands buveurs d'alcool en fait dans le groupe. Mais non, c'est plutôt autour d'un bon repas en fait, tu vois. Mais c'est vraiment ça en fait. On se retrouve régulièrement autour d'un vraiment les restos ou les cafés, c'est vachement bien parce qu'on n'est pas chez nous, donc on n'est pas perturbé par les mails et les autres impératifs du travail. Donc on est vraiment libéré de tout ça. Et on peut se concentrer que sur le développement de l'idée, et après c'est vraiment que un dialogue en fait. On fait que parler, on lance des idées, la plupart vont à la poubelle, hein, donc c'est normal, et on prend des notes et au fur et à mesure de cette discussion, et vraiment le fait de rebondir d'idée en idée, ça donne les idées des scénarios, et donc on développe en gros les concepts de chaque bouquin ensemble. En tout cas sur le premier cycle, ça s'est vraiment passé comme ça, hein. On a développé tous ensemble les synopsis de chacun, et après on se les est répartis entre nous suivant nos affinités. On avait plus envie d'écrire l'histoire de tel personnage ou de telle histoire, et on l'a développé de chacun à sa façon, et après on le renvoyait à lire à tout le monde, hein, et chacun faisait ses annotations, ses remarques dessus, on le modifiait en fonction, et puis non, c'était vraiment un travail collaboratif vraiment agréable en fait. On travaille vraiment en bonne intelligence en fait là-dessus. Et on s'amuse vraiment en fait. Les moments où on est en train de trouver les idées, on se marre en fait. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'après, quand moi je relis les albums, les planches finies qui sont terminées par le dessinateur ou la coloriste, je me remarre aux blagues qu'on a écrites au moment où on était dans le bar au début en fait. Donc ça marche plutôt pas mal, ça, tu vois. Et alors, oui, d'accord. On arrive déjà en 2020, donc en 2020, une année qui est chargée en ce début d'année. En janvier, donc, il y avait le festival de la BD d'Angoulême qui a été, on en a parlé énormément sur n'importe quelle chaîne de télé, radio. C'est la première fois que j'entendais autant parler d'Angoulême partout. Mais on n'en parlait pas pour le festival en lui-même, mais pour la grève des artistes et de votre condition de vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus si tu veux? Oui. Comment ça se passe pour vous? Parce que bon, Nico avait fait un édito là-dessus sur un de nos précédents débats, ouais. Et c'était assez éloquent là-dessus. Mais moi, bon, t'es un artiste. Ça serait dommage qu'on en parle pas. Ben non, tout à fait. Après, alors, vraiment pour commencer, c'est moi, Patrice, Patrick, Patricia, on est des gens assez privilégiés parce qu'on est déjà dans une des grandes maisons d'édition qui ont des contrats plutôt corrects. Donc, on est plutôt bien rémunéré déjà en avance sur droit en fait. Si vous connaissez un peu le principe, c'est qu'on est payé à la fabrication, enfin normalement on est payé à la fabrication de l'album avant que l'album paraisse, donc par un prix de page sur lequel l'éditeur se rembourse par la suite au moment où il mettra l'album en vente en fait. Donc ça, on a déjà un prix de page pour nous qui est déjà plutôt avantageux, et puis on a des séries qui marchent, et donc ça fait vraiment toute la différence en fait. Donc on a des séries où le public a adhéré dessus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui vivent pas du tout la situation d'auteur de BD de la même façon que nous, hein. Donc c'est un milieu très difficile. c'est un métier très difficile. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, en tout cas moi, quand j'ai commencé, les premières années, c'était assez compliqué. Hein. Les rémunérations, en fait, disons que la rémunération par rapport à la masse de travail qu'il y a à faire est assez, assez faible hein, au final. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, quand on a calculé, il y a une enquête qui a été faite il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, et qu'on a répondu au questionnaire et qu'on a calculé avec Patricia, nous, on fait des semaines de 60 heures, en fait, à peu près. Donc, ah oui. Oui, on travaille, les week-ends, on les travaille, en fait. On se couche souvent entre 1 et 2 heures du matin. C'est en vérité, le travail d'auteur de BD, on ne le fait pas pour la rémunération, parce que au tarif horaire, en fait, c'est ridicule, en fait. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est dans nos tripes, parce qu'on a, un besoin vital de raconter quelque chose, de dessiner quelque chose, de transmettre quelque chose, tu vois. Et donc ça, il ne faut jamais oublier, c'est la première chose. Mais après, là-dessus, le fait qu'on soit... on ait cette obligation quelque part psychologique en nous, il y a le milieu après du livre, les éditeurs, enfin pas tous, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais certains éditeurs en profitent vraiment en se disant « bah ouais, mais les gars, vous faites un truc qui vous plaît, donc on peut vous payer un peu moins cher en fait ». Donc ce qui n'est pas correct du tout en fait par rapport au milieu en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des contrats qui ont été signés ces années qui sont vraiment aberrants, en fait, où on est proche de l'esclavagisme, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que sous prétexte que l'auteur va avoir la chance d'éditer un livre, on se permet de le payer quasiment rien, en fait, ou presque un sandwich, en fait. Donc, je pense que c'est pas le seul milieu où il y a des truands, mais là ça c'est il y en a eu beaucoup en fait, on va dire, voilà, si je peux résumer la situation. Et donc c'est vrai que non, il était important qu'il se passe quelque chose. Le vrai problème, c'est que on est peu hein, des auteurs de BD, on est quoi, quelque chose comme 1500 en France, hein, France-Belgique, donc on est très peu. Donc on pèse vraiment rien, et que si on fait grève, en fait, tout le monde s'en fout, en fait. On n'est pas la SNCF, en fait. Voilà. Donc on a peu de moyens de pression vis-à-vis du milieu éditorial, et donc on peut râler, se relayer sur les réseaux sociaux et informer les gens, mais on touche jamais le nerf de la guerre, qui est les finances, en fait. Voilà. Donc je ne suis pas pessimiste, mais je trouve qu'on manque de moyens d'action, et malheureusement, c'est la situation de l'auteur de BD qui travaille tout seul dans son coin aussi, qui fait qu'on manque de moyens d'action, en fait. Même si aujourd'hui, on essaie de se fédérer un peu en syndicat, c'est compliqué, en fait. Parce que même à l'intérieur des syndicats, il y a de la dissidence, parce que les auteurs de BD sont, de par nature, quelque part individualistes, parce qu'ils travaillent tout seuls dans leur tête, en fait. Voilà. C'est le métier qui veut ça. Et après Angoulême, est-ce qu'il y a eu un signe du ministère de la Culture ou pas du tout ? Bah, il y a eu le rapport Racine. Il y a eu des choses, hein, mais après, c'est des signes. En gros, en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on va se donner bonne conscience, on va dire à ces jeunes, à tous ces auteurs, qu'on va s'occuper d'eux bientôt, en gros. Ça n'a pas fondamentalement changé la situation. Hein. Mais en fait, vraiment, pour être objectif, hein, je tape vraiment pas sur les éditeurs, hein, parce que... il faut vraiment... En fait, c'est une situation compliquée, mais tout le monde joue le... En fait, il faudrait que tout le monde joue le jeu, et dès qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, que ce soit vraiment, même les auteurs, je les mets dans le tas. Hein, quand il y a des auteurs, ou des libraires, ou même des distributeurs, c'est une chaîne complète, le livre, et quand il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, qui essaient de tirer la couverture à soi, ou qui essaient de court-circuiter le système, ça crée des déséquilibres qui de toute façon rendent les autres parties méfiantes, en fait. Donc, on ne travaille plus en bonne intelligence, mais au contraire, on travaille... c'est difficile de travailler avec quelqu'un au quotidien en sachant que c'est ton pire ennemi, en fait. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est malsain. Voilà, c'est hyper malsain. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut arriver à travailler en bonne intelligence avec les différentes parties. Hein. Voilà. Mais c'est un dialogue à créer. Et pour le moment, comme tous, hein, en plus, pour la peine, le Covid n'a pas aidé, tout le monde a des revendications maintenant hyper dures. Et la revendication, c'est l'autre, il prend plus que moi, et moi, je veux cette partie, la partie que l'autre, il a. Donc, et comme chacun a ses propres problèmes, ça n'en règle aucun, en fait. Tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, enfin, pour parler d'autres choses, mais par rapport au problème du livre, enfin de la BD, c'est les libraires se plaignent toujours de la surproduction, d'accord ? Alors, les éditeurs aussi se plaignent de la surproduction. Et au final, les auteurs aussi se plaignent de la surproduction. Mais alors, du coup, comment on fait ? Alors, il faudrait que les éditeurs tuent d'autres éditeurs pour qu'ils sortent moins de livres, ou que d'autres auteurs tuent les autres auteurs pour qu'il y ait moins de livres. Enfin, tu vois, c'est... Du coup, on devient même ennemi au sein d'une même communauté. Enfin, ça devient vraiment malsain quand on pense comme ça. Donc, c'est vrai que je suis plutôt partisan, moi, de créer un dialogue constructif et pas d'être dans l'opposition, en fait. Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, merci d'avoir pris 2 minutes pour nous en parler. C'est quand même assez important de nous tenir au courant, nous, simples lecteurs, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Et puis, comme tu dis, il n'y a pas de communication. Donc, c'est vrai que qu'on essaie de communiquer un peu plus là-dessus, nous, sur notre média, là, dès qu'on a un Français qui passe autour du micro et qui est un professionnel. Écoute, merci de m'avoir laissé parler. Alors, tu en as parlé. Je vais en reparler. On va en reparler. Donc, il y a eu le Covid qui est passé par là, ou la Covid. Oui. Plutôt, hein, maintenant, il faut dire la Covid. Ouais, c'est le Covid, mais bon, bref, c'est pas grave. Il y a la Covid qui est passée par là et qui nous a tous mis en arrêt. Comment ça se passe quand t'es scénariste, quand tu travailles dans la BD, que t'as ton éditeur qui est obligé de se mettre en pause? Comment ça se passe concrètement? Alors, disons que au point de vue personnel pour le travail, ça n'a vraiment strictement rien changé, hein, en fait, à mon quotidien, si ça n'est que j'ai dû jouer 3-4 heures par jour en plus aux professeurs des écoles. Donc ça rallongeait mes journées d'autant, mais sinon, en fait, on travaille déjà à la maison, en fait, dans l'atelier. Donc on organise déjà on s'auto-organise déjà en permanence, en fait. Donc on a créé nos propres plannings et on les suit. Quand on a vu que, bah, par exemple, le fait qu'on doive consacrer du temps à l'éducation, bah, ça a décalé nos plannings, on a refait nos plannings et on a tenu notre éditeur au courant du décalage en leur disant, bah, voilà, ça me prend tant de temps, les pages seront décalées de temps pour la parution, en fait. Voilà. Comme tout le monde prend de la marge, au final, ça s'est plutôt pas mal passé pour le moment. Par contre, ce qui s'est passé, ce qui a été assez étrange, c'est que le mercredi avant le confinement, nous, on avait un Mythix qui sortait. Donc, on a eu le tome 9 qui sortait ce jour-là. Et on confinait. Le jeudi soir, notre président a annoncé qu'on passait tous en confinement. Donc, c'était assez étrange parce qu'on a un livre qui était arrivé dans les librairies, distribué, mais qui n'est jamais sorti, en fait. Qui était donc distribué un peu sur les plateformes en ligne, même sur la Fnac, mais comme ils n'avaient pas pris des grands stocks et que les stocks n'étaient plus distribués après, ça, c'était assez ridicule, en fait. Donc c'était vraiment étrange de se dire qu'on a un livre qui est sorti, qui n'a pas vécu. Par la suite, après le déconfinement, on s'est un peu rattrapé, mais les chiffres sont éloquents, hein. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose comme pendant les 3 mois qui sont passés, on a fait des chiffres de vente, hein, pour parler un peu de façon pragmatique, sur l'album, en 3 mois, on a fait ce qu'on faisait normalement une semaine, en fait. Donc c'était vraiment... c'était un album qui était inexistant. Et je pense que je ne suis pas le seul dans le cas, hein. Il doit y avoir pas mal de livres qui sont sortis à ce moment-là et qui n'ont pas eu de vie, en fait. Donc, de ce côté-là, c'est un peu traumatisant. Il s'est passé ça. Et après, parallèlement à ça, notre éditeur a... comme beaucoup d'autres éditeurs, a fait de la donation, en fait, sur Internet, de BD virtuelles, en fait, pour occuper les enfants durant le confinement. Et ça, pour la peine, ça a plutôt pas mal marché, en fait. Donc, les BD en téléchargement qui ont été donnés ont plutôt été pas mal téléchargés. Je pense pas que ça fasse un bouleversement hein, du lectorat, mais voilà. Donc c'est un peu le constat qu'on peut faire sur les mois de confinement. Et après, depuis le déconfinement, bah maintenant on attend de voir comment le secteur va résister à la crise hein, économique qui se profile. Donc c'est un peu plus ça notre angoisse à tous, en fait, je pense. Et alors, tu parles d'angoisse, est-ce que les mythiques sont menacés ou vous faites suffisamment... Alors, on va encore parler pragmatique, mais on va être très pragmatique, mais est-ce que vous faites assez de chiffres pour être complètement à l'abri de ça? Alors, de toute façon, c'est un album qui est sorti de façon... dans des conditions très particulières, donc notre éditeur, de toute façon... ne tient pas compte de ce... Enfin, il ne va pas s'appesantir sur les chiffres de ce tome-là pour l'ensemble de la série. D'autant plus qu'on sait que quand on sort une nouveauté, en général, ça relance un peu l'ensemble de la série. Donc, on se dit que l'apparition donc, de septembre, qui devrait clore le cycle, relancera certainement un peu la vente de ce tome-là, qui est un peu passé un peu plus inaperçu que les autres. Et comme, de toute façon, c'est une série... qui se travaille très en amont parce qu'on a beaucoup de dessinateurs. De toute façon, là, on a les albums, ils sont prêts. Enfin, là, moi, je travaille sur les scénarios des tomes 14, 15, 16. Donc, on a de toute façon de la visibilité jusqu'à 16 tomes, en fait, là, pour le moment. Donc, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Non, ça, c'est sûr que non. En fait. Ok. Alors, avant de parler de tes projets futurs, j'aimerais revenir un peu en arrière sur ton style graphisme. Donc, tu disais que tu t'inspirais beaucoup de ce que faisait Olivier Vatine, mais tu as aussi un sacré style de manga, quoi. Quand tu regardes tes dessins, ça me fait un peu penser à du manga sur certains traits. Ah ben, oui. Tu as des inspirations un peu là-bas ou pas du tout? Alors, moi, je suis franco, ma mère est autrichienne et mon père est japonais, donc je suis europano-japonais, on va dire, voilà. Et j'ai grandi en France, je suis né en France et j'ai grandi en France, mais j'ai vraiment des origines diverses. Et mon père, à l'époque où il faisait des allers-retours réguliers au Japon, il revenait toujours avec des mangas, donc en japonais, hein, dans sa valise. Donc j'ai lu les Astro Boy bien avant que ça arrive en France, en fait, que les premiers mangas arrivent en France. Donc c'est vrai que je lisais ça en même temps que je lisais les Schtroumpfs à côté, où mon frère était un fan de comics, où je lisais Spider-Man. Enfin, j'ai vraiment tout lu en même temps, et comme on disait tout à l'heure, enfant, je faisais aucune distinction entre les différents styles de bouquins, parce que j'aimais bien tout. Après, quand j'ai commencé à vouloir vraiment me travailler sur la BD, et que je disais que je travaillais, j'ai copié, on copiait des, je me suis vraiment inspiré, que j'ai copié des pages de BD, tout ça. Donc il y avait Aquablue et il y avait Akira d'Otomo, voilà. Donc qui faisait partie de vraiment des albums que je copiais. Et puis après, si pour parler un peu de comics, j'ai aussi copié pas mal de pages de Jim Lee à l'époque. Et puis après, on voit aussi sur tes dessins. Alors maintenant que tu nous as parlé de tes études, on voit très bien l'aspect architecture. Ah oui, bah ça m'a servi, hein, les études d'architecture. Là. Parce que c'est vrai que quand j'ai attrapé Terra Prime, la première chose que je vois, c'est les détails que tu as donnés au décor. Qui était complètement fou, en fait. Rien qu'en voyant ça, je me suis dit, il a dû passer des heures à dessiner tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est très appréciable. J'adore. Ah bah écoute, merci. Mais c'est pour ça que je te disais que j'étais quand même un peu trop présomptueux quand je me suis lancé dans l'aventure. Parce que je voulais un rendu réaliste, enfin, ou semi-réaliste avec Soda SF. Avec des effets spéciaux quelque part, tu vois, avec du grand spectacle. Et donc j'avais besoin de mettre ces décors un peu détaillés. Et du coup, oui, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu à la base. L'architecture, c'est un truc qui m'a toujours plu. Hein. J'aurais peut-être pu faire carrière dedans si ça m'avait un peu plus plu, mais au final, dessiner des pavillons, ça me plaisait moins que faire des vaisseaux spatiaux, en fait. Je comprends. Et alors maintenant, je voulais vraiment revenir sur ton style, mais on va revenir vers ce qui était, ce que je te disais, notre arc narratif, on va dire. Les projets futurs, donc les Mythics, on arrive, tu as une vue jusqu'au 16e tome. Est-ce que tu as de nouveau envie de préparer un projet solo ou tu es vraiment à 300% sur les Mythics? Alors non, en fait... Alors, les Mythics, c'est un truc qui a interrompu en fait, le lancement de mon projet qui était prévu à ce moment-là. En fait. C'est-à-dire qu'après Terra Prime, j'aurais dû enchaîner sur une autre série tout de suite de science-fiction qui s'appelle Astra Saga, donc qui était déjà démarché à ce moment-là. Il était signé, tout ça. Il se trouve que les Mythics sont démarrés sur les chapeaux de roue. Donc, tout de suite, en fait, on l'a présenté en novembre et... à notre éditeur, et en gros en décembre il fallait que les premiers scénarios soient lancés en fait. Donc ça a été vraiment fulgurant la vitesse à laquelle on a dû travailler, et du coup pendant un an j'ai mis mon projet en pause, donc là je l'ai travaillé depuis l'an dernier. J'ai fini le tome 1 qui devait paraître en septembre, voilà, qui s'appelle, donc c'est une série de science-fiction normalement prévue en 7 tomes. Je poste quelques images sur mon Instagram, voilà, régulièrement. Donc c'est vraiment, c'est du space opéra. Comment je pourrais décrire ça? C'est un peu les légendes des Nibelungen dans l'espace, en fait, hein, tu vois, pour vraiment simplifier le truc à outrance. Mais voilà, il y a des monstres géants, des dragons, des sorciers et des vaisseaux spatiaux, des combats spatials, des armures de combat et tout ça mélangé allègrement. Ça, si, c'est un projet que j'ai mûri pendant... Moi, je suis assez lent. Hein. Mes projets mettent beaucoup de temps à mûrir à chaque fois. Ça, c'est un projet, je l'ai aussi depuis mon lycée, quoi. Ma première version. Hein. Donc, je l'ai réécrit 4 fois. Tout a changé au fur et à mesure. Mais là, c'est bon. Le domaine est fini. Normalement, il devait donc paraître en septembre. Et par contre là il est vraiment repoussé parce que mon éditeur considère que avec les problèmes dus à la crise économique consécutive au Covid, il serait pas très prudent de le sortir dans cette situation là en fait, parce que c'est un tome 1, c'est une nouvelle série, c'est un truc qui est pas installé, et il préfère attendre qu'il y ait une visibilité un peu pour savoir comment le placer, comment le public serait prêt à recevoir une nouveauté, etc. Donc, pour le moment, il est repoussé à 2021. Je n'ai pas de date précise, en fait. Donc, je ne sais pas. Je devrais attaquer d'ici à peu près 2 mois le tome 2, en fait. Voilà. Donc, c'est une série un peu spéciale parce que j'ai voulu... Alors ça, c'est aussi... Moi, je me lance des défis débiles, en fait. J'ai voulu faire une BD qui soit à la fois en support numérique et en support papier. Et du coup on a développé avec un programmeur une application qui devrait permettre de lire la BD mais de façon différente, avec des effets spéciaux, etc., du contenu additif, une sorte d'encyclopédie qui devrait se voir le jour. Mais alors pour le moment, donc évidemment, le Covid aussi est passé par là, ça a déstructuré complètement la chaîne de fabrication de cet objet là donc pour le moment je ne sais pas si ça verra le jour en même temps que la BD ou pas. Ça a vraiment quand même chamboulé pas mal de choses par rapport à la parution de cet album, en fait. Donc voilà, pour le moment les nouvelles que j'en ai, c'est que ça devrait paraître dans le courant de l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. Ah, c'est positif quand même. Et donc du coup, tu partirais sur un tome par an, comme de la franco-belge, ou un peu plus soutenu, vu que tu commences déjà le tome 2 ou... Alors, du coup, comme je commence le tome 2, peut-être que mon tome 1 et le tome 2 seraient un peu plus rapprochés, mais après, j'aurais un tome par an. Parce que jusqu'à ce que je finisse les Mythics, en tout cas, ma partie de contribution sur les Mythics s'arrête au tome 18. Donc, j'ai encore pour 2 ans à peu près. Donc, dès que j'aurai fini le tome 18, après, je pourrai passer à temps plein sur Astra Saga. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai un rythme de parution plus soutenu. Mais d'ici là, je ne pourrai pas. Les Mythics, ça me prend quand même 5-6 mois dans l'année. Voilà. Donc, je ne peux pas. Je ne pourrais pas aller faire plus que ça, voilà. Oui, c'est sûr. Avant, dernière question. Pour les fans de ton art, est-ce que tu fais des commissions ? Alors, ça m'arrive. En fait, j'ouvre des commissions quand j'ai le temps, on va dire. Mais c'est vrai que là, comme j'ai pas, j'ai plusieurs séances de dédicaces, enfin plusieurs salons que j'ai pas pu faire, j'ai réfléchi ces dernières semaines à lancer une sorte de séance de dédicaces virtuelles, donc enfin des dédicaces virtuelles. Donc des sortes de mini-commissions en simplifié en rapport avec mes albums. Mais j'ai pas eu le temps encore de mettre en place ça. Voilà. Mais il faudrait que je m'en occupe. Mais je suis un peu débordé, je vous avoue. Bon, bah, j'espère que tu posteras ça sur Instagram parce que ça pourrait m'intéresser. Oui, oui, dès que j'aurai un petit créneau et que j'aurai le temps de m'occuper de ça. Parce que l'idée, ce serait aussi de... que cette séance soit faite en live et que les gens puissent regarder les dessins se faire en fait au moment où je les fais en fait. Voilà. D'accord. Faire une vraie séance de dédicace virtuelle en fait, donc ce serait rigolo. Je sais que ce serait rigolo, mais il faut vraiment que je trouve le temps d'organiser ça et je pense pas que ce sera avant août en fait, parce que le mois de juillet déborde déjà largement de travail en fait. Ouais, c'est pas plus mal en même temps que t'es du travail. Non, non, je me plains pas du tout, hein. Alors, loin de là, mais c'est vrai que pour faire des petits à côté comme ça, c'est plus compliqué en fait, voilà. C'est pour organiser ça. Et donc, du coup, dernière question de la soirée du podcast, c'est quels sont tes conseils de lecture pour cet été autour d'un lac, d'une plage, d'une piscine ou autour d'un bar? Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme lecture? Alors, en ce moment, je lis un roman, une série de romans qui me fait bien marrer, qui s'appelle Le journal d'un assassin. Donc, c'est de Martha Wells. Et donc, c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur, parce que je me suis vraiment marré à lire ça. C'est l'histoire, en gros, d'un robot, d'un androïde de combat spatial. En gros. Assassin, ça s'écrit avec... c'est un jeu de mots, Sand, c'est comme le début de synthétique, en fait. D'accord. Et donc, c'est un robot de sécurité de combat, surarmé, avec des implants des fusils implantés dans les avant-bras qui sortent et tout ça. Et sauf qu'il a hacké son système de contrôle. Donc, il dit, en gros, le pitch, c'est au début, il dit « Ah, j'aurais pu faire un massacre dès que j'ai hacké mon système de contrôle, mais j'ai découvert les chaînes de divertissement humaines. » Et donc, j'ai téléchargé 35 000 heures de contenu grosso modo de Netflix, quoi. Il passe son temps à regarder des séries virtuelles. C'est vraiment marrant. Il y a un ton qui est décalé et il y a quand même une aventure derrière, en fait. Donc, le mix est pas mal. En fait, moi, c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur, ce roman-là. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Sinon, il y a... Non, en fait, après, il y a. En manga, il y a une série qui me fait bien marrer qui s'appelle Balthazar, qui est sortie. Je pense que c'est considéré comme un shonen, mais c'est du 18e siècle revisité avec l'histoire de la guerre, des guerres de cette époque-là. Voilà. Moi, c'est par Meian Édition, je crois. Oui, c'est ça. C'est ouais, ça. Je vois bien ce que c'est. Voilà, moi en fait c'est un truc qui m'a bien fait marrer. et puis sinon qu'est-ce que je lis? Ah si, en ce moment je lis Machiavel, Le Prince, et c'est une bonne lecture en fait pour donner des idées de scénario, voilà. Donc voilà, mes conseils de lecture. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast pendant une grosse heure, c'était très sympathique de t'avoir. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et puis ouais, bah, j'espère te retrouver bientôt quand ta BD sortira. Bah, écoute, j'espère que les salons reprendront, qu'on pourra refaire des séances de dédicaces et tout. Hein, ça serait cool. Voilà. C'est quand même le contact avec les lecteurs. Hein, c'est un truc qui manque quand même. Hein, vraiment. Bon, ben voilà. En tout cas, je ne vais pas plus te déranger que ça. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, on va retrouver tout le monde. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau podcast cet été avec de nouveaux invités. Et puis voilà, ben, merci encore une fois à tout le monde. Et puis, à très bientôt sur un nouveau Débat Comics.